Exercice 1. RFI, Radio France Internationale, l'actualité musicale. Le célèbre chanteur Alain Moreau a décidé d'organiser un tout nouveau type de promotion. Il propose à trois jeunes filles de venir chanter avec lui pendant son concert à Paris le 15 décembre prochain, à l'occasion de la sortie de son nouveau disque « Tout pour les filles ». Pour cela, une gigantesque tournée d'auditions va être organisée pendant 2 mois dans la France entière pour choisir 3 jeunes chanteuses. La maison de disques pense ainsi écouter plus de 5000 jeunes filles.